Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, alors ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est poursuivre notre enquête sur la fin du chapitre 1 qui prépare en fait l'histoire de la naissance de Moïse, dont j'aimerais vous parler bien sûr aussi. Mais on s'était arrêté la semaine dernière à cette idée un peu incongrue que le pharaon lance au verset 10 du chapitre 1, puisque vous savez, Pharaon se méfie. Je vous ai parlé de l'origine presque du discours xénophobe. Il dit, voilà, il y a trop de monde, mais en même temps, on en a besoin. Mais alors, il rajoute une chose qui est intéressante et curieuse. Il dit, une guerre pourrait arriver. Il, donc, ce peuple, se joindra lui aussi à nos ennemis. Il nous fera la guerre et il montera du pays. Donc on a toujours dit que c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas très bien ce que ça va faire. Dans l'histoire de l'Exode, c'est une sorte de motif aveugle parce que si vous connaissez la suite de l'histoire, il n'y a pas question que les Hébreux vont se joindre à d'autres pour faire la guerre aux Égyptiens. Donc d'où est-ce que ça vient, cette idée? Est-ce que c'est juste une invention de l'auteur ou est-ce que derrière cette idée, il y a une autre tradition qui n'a pas pu entrer, pour toutes sortes de raisons, dans le Pentateuque. Et probablement, c'est le cas. Au moins, ça a été suggéré par un bibliste tchèque, Jan Rückel, qui dit, derrière ce motif, en fait, se trouve une tradition très bien attestée par un prêtre égyptien, Manéthon. Manéthon, je vous ai déjà parlé de ce monsieur, donc un prêtre égyptien écrivant en grec, donc nous sommes déjà à l'époque ptolémaïque, qui en fait, on n'a que des bribes via Flavius Joseph notamment, dont le contre Appion. Et qu'est-ce qu'il raconte Manéthon? Il raconte en fait que les Hyksos, dont on a aussi déjà parlé, que les fameux Hyksos, qu'il appelle les rois pasteurs, bon, c'est pas la bonne étymologie, on a vu que c'est les chefs des pays étrangers, mais qu'il appelle les rois pasteurs, qui étaient expulsés donc d'Avaris vers la Palestine, où eux, et ça c'est intéressant, eux, ils auraient fondé Jérusalem. Et puis ensuite, ils se seraient liés à des bandes de lépreux en Égypte, qui aura repeuplé Avaris, et en ayant fait la guerre au pharaon, sous la conduite d'un dénommé Osarsif, on ne sait pas la vocalisation. Donc, vous pouvez lire ça en détail, je ne vais pas tout vous lire, mais l'idée, c'est que donc, chez Flavius Joseph contre Appion, que donc, le pharaon consentit à donner à ses lépreux l'ancienne ville des Hyksos, Avaris, on reviendra, et aussitôt qu'ils ont installé, leur chef envoie une ambassade vers les pasteurs qui étaient chassés par le pharaon dans la ville nommée Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, évidemment, ils arrivent tout de suite, ils sont tout contents. Ils les invitent à se joindre à eux pour marcher tous ensemble contre l'Égypte. Et donc après, vous avez une guerre où les Jérusalémites, donc les Hyksos, s'allient aux lépreux et ils font la guerre à l'Égypte en faisant un sacrilège après l'autre, mais peu importe, vous pouvez lire ça en détail. Et ce qu'on apprend tout à la fin, que ce fameux chef du nom de Osarsef, du nom du dieu Osiris, bon, c'est peut-être pas sûr, mais peu importe, en passant chez ce peuple, changea de nom et prit celui de Moïse. Voilà, donc là, vous avez une tradition un peu anti-juif, bien sûr, mais qui garde quand même une tradition liée, comme je vous ai expliqué, à l'idée des Hyksos et qui met en scène, en fait, une sorte de guerre combinée de Hyksos de Jérusalem avec des lépreux, on les appelle dans le texte des lépreux, des impurs conduites par Moïse qui après massacre les dieux égyptiens, les mange même, donc allusion au sacrifice animalier, etc. Et cela peut bien être l'origine de ce texte de l'Exode. On a quelque chose de de comparable, encore dans les livres de Jubilé, on a également l'idée que le roi d'Égypte est en guerre, alors là, simplement contre le roi de Canaan, et avec la même idée que quelques Hébreux étaient restés en Canaan et d'autres en Égypte se sont liés avec eux pour faire la guerre. Et puis après, on revient à l'histoire de l'Exode. Donc apparemment, ici, l'auteur du livre de Jubilé combine sans doute la tradition de Manéthon et celui de l'Exode. Par contre, il n'est guère possible, parce que parfois on a dit l'histoire de Manéthon, c'est une sorte de midrash inventé à partir de ce seul verset biblique. À ce moment-là, il faudrait alors penser que Manéthon, qui vit fin 4e, plutôt 3e siècle, aurait été un lecteur très attentif de la Torah. Puis il faut savoir si la Torah était vraiment déjà si bien diffusée, traduite en grec, etc. C'est guère possible, à mon avis. Donc Manéthon conserve une tradition à laquelle l'auteur de ce verset fait allusion. Donc on peut très bien montrer que cette idée de la guerre, c'est une incise qui n'était pas dans le texte originel. Dans le texte originel, c'est seulement en rouge, donc le pharaon dit qu'il faut agir sagement pour qu'ils ne deviennent pas trop nombreux, et puis voilà, on les met sous des corvées pour les opprimer. Et puis quelqu'un, justement en réagissant à cette tradition-là, a intercalé cette autre idée qui n'a pas d'autres reprises dans l'Exode, d'une guerre. Et quel peut être le contexte de cette tradition-là? Certainement pas l'époque des Hyksos, mais plutôt, en effet, l'époque perse. L'époque perse, parce que qu'est-ce que nous avons en Égypte à l'époque perse? Il y a au moins une tentative de domination perse sur l'Égypte, et les Judéens, apparemment par les Égyptiens, comme on peut le voir aussi dans les lettres d'Éléphantine, les Judéens installés en Égypte, notamment à Éléphantine, ont été considérés probablement par les Égyptiens comme étant des alliés des Perses. Donc l'idée d'avoir une sorte de guerre co-menée entre les Hébreux et d'autres ennemis des Égyptiens fait tout à fait sens à ce moment-là. D'ailleurs, on a une lettre très intéressante, une lettre donc qui est adressée à un gouverneur qui porte un nom perse, gouverneur donc de la Judée, par la communauté juive d'Éléphantine, où il dit « lorsque Cambyse entra en Égypte, il trouva le sanctuaire de Yahou, donc le dieu des Juifs, construit, donc il ne toucha pas, et les sanctuaires des dieux des Égyptiens, on les saccagea tous et personne n'endommagea rien dans ce sanctuaire donc, de Yahvé. » Donc c'est un peu l'idée aussi que vous trouvez derrière la tradition de Manéthon. Donc à partir de cette attitude très persophile des Judéens en Égypte, on peut très bien imaginer que ce verset d'une guerre entre les Hébreux et les ennemis d'Égypte peut en effet venir de l'époque perse, parce qu'en effet, vous avez déjà ici, vers 520, une première tentative des Perses de s'emparer de l'Égypte, et ça continue, il y a tout le temps des révoltes et conflits tout au long, donc je ne vais pas le préciser maintenant, ce n'est pas important, tout au long du 5e et 4e siècle. Donc, c'est probablement le contexte de ce verset-là. Donc, ce n'est pas une tradition ancienne, mais une tradition que nous pouvons reconstruire grâce à ce texte de Manéthon qui nous est conservé via Flavius Josèphe. Donc, ça veut dire aussi que parfois, il y a des textes, et nous allons voir d'autres dans l'histoire de Moïse. Vous avez parfois des textes très bizarres dans l'histoire de l'Exode qui ne s'éclaircissent que lorsque vous les mettez en relation avec des traditions sur Moïse en dehors de la Bible. Parce que ce qu'on oublie souvent, qu'on raconte beaucoup de choses sur Moïse aussi en dehors de la Bible. Par exemple, qu'il était marié à une princesse éthiopienne ou couchite, ce qui éclaire un autre texte, on va y revenir, et aussi, peut-être déjà, je peux le dire entre parenthèses, et on va le voir plus en détail. Souvenez-vous, lors de la vocation de Moïse, à un moment, Dieu lui dit une chose très bizarre. On lui dit, mets ta main à l'intérieur de ton vêtement, il la retire et elle est lépreuse. Voilà, Moïse, chef des lépreux. C'est certainement lié. Ça n'a pas d'autres explications dans la Bible. Ça a des explications dans des textes en dehors de la Bible. Donc, il y a parfois des petites réactions, des petites contre-histoires, parce qu'évidemment, Manéthon, il n'aime pas du tout ces Juifs. Et puis, donc, il raconte des choses un peu négatives, mais en même temps, derrière, il peut y avoir des traditions même qui sont nées des Juifs même, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté d'Éléphantine, en partie au moins, c'était composé de mercenaires, c'est-à-dire c'était en fait des soldats. Donc ils racontent avec plaisir des histoires de guerre et qui peut-être à l'époque perse, c'était plutôt allié avec les Perses qu'avec les Égyptiens. Voilà. Bien. Maintenant, quelques mots sur deux noms qui ont toujours fait fantasmer ceux qui se mettent non pas à la quête de l'arche perdue, mais à la quête de l'exode perdu. Savoir où est-ce que nous avons le vrai exode. Parce que, comme je vous ai dit, quand on parle du pharaon, ben, il n'a pas de nom, et on donne peu de noms précis. Il n'y a presque que ce verset-là, et quelques versets au moment où on parle de la sortie d'Égypte, où on va donner quelques noms. Et alors, on apprend que, au verset 11, que les Israélites doivent donc construire les villes de Pithom et Ramsès. Alors on a dit, mais là, on arrive avec ça, on arrive à dater l'Exode. Malheureusement, pas tellement. Alors d'abord, Pithom, au niveau de l'étymologie, il n'y a pas de problème. Maison, par et puis le nom de Atum, donc maison du dieu. Atom. Mais déjà, la question, c'est où est-ce que ça se trouve exactement. Donc, selon les textes qu'on peut analyser, égyptiens, ça peut être dans le Wadi Tumilat. Ben, voilà. Ici. Mais on a toujours hésité entre deux lieux d'identification. Kitchen avait pensé à Tel Retaba, donc 4, ou Naville déjà avait proposé Tel El Masrouta, qui est une dizaine, vingtaine plutôt de kilomètres à l'est. C'est probablement Tel El Masrouta qui était un village à l'époque de Hyksos, ensuite totalement abandonné, et devient en fait une ville seulement au 7e siècle avant notre ère, donc à l'époque saïde, où on trouve un grand temple d'Atum. Donc du coup, le nom de Pithom vient probablement seulement du 7e siècle. Alors évidemment, pour ceux qui cherchent l'Exode, un Exode du 7e siècle, ça fait un peu tard. Il est également attesté, donc Pithom, attesté par Hérodote, qui raconte que le pharaon Nécho, justement à cette époque-là, au 7e siècle, a essayé de construire un canal qui devrait aller jusqu'à la mer Rouge, et puis il a dû arrêter, et c'est les Perses qui ont continué à construire. Mais ce qui est intéressant, là aussi on trouve donc la ville de Pithom en grec, Patumus, par Hérodote, donc montrant que c'était tout à fait connu à l'époque où il écrit. Et il dit ce que le pharaon fait pour construire ce canal, c'est qu'il, évidemment, utilise des corvéables, des Égyptiens, mais aussi d'autres. Alors, si vous voulez faire la spéculation, vous pouvez très bien dire, mais peut-être parmi ces corvéables, il y avait aussi des Judéens, parce qu'on sait, la Bible parle de Nécho. Il contrôle la Judée à la fin du 7e siècle. Donc, est-ce qu'il a aussi amené des corvéables judéens qui, après la défaite de Nécho à Carchemish en 605, sont certainement rentrés et ont pu raconter, voilà, Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. Donc, on aurait un exode au 7e siècle. C'est un des scénarios possibles, évidemment. Donc, je vous rappelle, Teller Recapata, ou Tel Mashruta, probablement, et Pitom, mais c'est donc un Pitom en lien avec la construction du canal de Necco qui nous mène au 7e siècle, et pas avant. Qu'en est-il avec la ville de Pi Ramsès, donc, que vous avez ici en rouge? Là, on sait à près sûr que Ramsès, donc, dans la Bible, c'est sans doute Pi Ramsès, que l'archéologue et égyptologue autrichien Manfred Bittak a identifié à Tel El Daba, à Kantir ou à Avaris, à savoir l'ancienne capitale des Hyksos. C'est aussi la capitale de Ramsès II, qui ensuite fut abandonnée vers la fin du deuxième millénaire, vers 1070. Et ce qui est intéressant après, c'est que cet endroit devient une carrière. C'est-à-dire on utilise les pierres et des monuments pour les déplacer ailleurs. Donc, des monuments qui portent le nom de Ramsès furent installés ailleurs, peut-être même à Pitom, mais certainement à Tanis et à Bubastis, qui en fait deviennent les résidences de la troisième période intermédiaire, donc du 9e au 7e siècle. Et c'est probablement à cette époque-là que, ou à ces endroits-là, que pense l'auteur biblique. Il pense peut-être même pas à Pi Ramsès, il pense peut-être à Tanis ou à Bubastis. Donc voyez que ces deux noms ne nous mènent pas forcément à un exode à la fin du deuxième millénaire. Au contraire, on est de nouveau aux alentours du 8e, 7e siècle. Et c'est justement l'époque où il y a des expériences des Judéens avec la corvée. On n'a pas fait penser que les noms qui sont utilisés pour décrire les corvées, Mas, Sevel, ou les villes d'entrepôt, et villes d'entrepôt, entre parenthèses, ça va très bien pour Ramsès au moment où Ramsès devient une carrière, ville d'entrepôt, n'est-ce pas? Donc on laisse les choses et puis on les déplace. Donc tous ces termes se trouvent aussi dans l'histoire de Salomon, où on raconte que Salomon soumet son propre peuple aux corvées. Alors, est-ce que c'est une critique de Salomon? Ça, on l'avait dit quand on voulait dater ces textes à l'époque du Yaviste. Mais il faut regarder, ces textes se trouvent un peu ailleurs aussi dans la Bible. Ils ne sont pas seulement chez... au contraire, on parle aussi des corvées, des Assyriens, etc. D'autant plus que la plupart de ces expressions sont d'origine acadienne. Donc les villes d'entrepôt, le terme masse, le terme de sevel, travail forcé, tout cela vient de l'acadien, donc de l'assyrien, si vous voulez. Et, comme nous le savons, Juda, au 8e, 7e siècle, était aussi sous domination assyrienne. Donc du coup, on peut se poser la question si derrière ce texte ne se trouve pas plutôt une sorte de réflexion ou de reflet de l'expérience des corvées, mais à une époque bien plus récente que celle de l'Exode. D'ailleurs, on a parfois aussi encore cité un sceau du 7e siècle où on a un judéen, un fils de Matthiaou, sur les corvées, mais selon mes renseignements que j'ai pris auprès de Benjamin Sass, le grand spécialiste, c'est un faux, donc je ne vous le montre pas. Mais si vous le lisez, alors ça, c'est un grand problème. Beaucoup des sceaux, en fait, c'est des faux. Ouais. Parce qu'on peut faire beaucoup d'argent, il faut bien savoir faire. Il faut produire un sceau qui n'est pas trop proche de la Bible, parce que ça, c'est suspect quand c'est trop proche. Mais il faut qu'il y ait un nom yaviste ou quelque chose comme ça. Ou masse, là, on a masse, le terme des corvées. Et puis, du coup, ça apparaît tout d'un coup sur le marché. Les gens l'achètent très cher, parfois même les musées, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est des faux. Il y a probablement beaucoup plus de faux surtout dans l'art, qu'est-ce qu'il faut dire, dans la glyptique, dans les sceaux, dans les petites inscriptions, il y a certainement beaucoup plus de faux qu'on veut le croire. Et puis donc ça rend évidemment les choses toujours un peu compliquées. Bon, il y a là aussi les minimalistes et les maximalistes, mais je pense là il faut être prudent. Monsieur Sasse dit maintenant il ne considère plus aucun sceau ou autre document s'il ne sait pas la provenance. Il dit tout ce qui n'a pas une provenance claire, il le considère d'abord comme peu fiable. Alors évidemment, certains disent que c'est exagéré parce qu'il peut y avoir des fouilles sauvages et des fouilles clandestines, on sait très bien. Hein. Mais voilà. Mais, donc, même si on n'a pas ce sceau, il y a quand même suffisamment d'indications qui nous indiquent qu'en effet, au 8e, 7e siècle, l'expérience des corvées n'était pas quelque chose qui était inconnu pour les Judéens auxquels on raconte l'histoire de l'Exode. Alors, ça peut être des corvées assyriens, mais peut-être aussi les corvées égyptiens, comme on l'a vu avec le pharaon Nekho. Ça peut être les deux. Donc, ça nous confirme de nouveau dans l'idée que la première mispa écrite de l'histoire de l'Exode nous mène vers le 7e siècle. Puis nous allons voir, plus qu'on avance, plus on va trouver d'autres arguments. Donc, je deviens de plus en plus confident en fait, pour cette datation-là, sous le règne de Josias, de la première version écrite. Alors après, il y a toujours, comme je vous ai dit, il y a toujours des mémoires qui peuvent être beaucoup plus anciens. Hein, ça, c'est sûr, on l'a vu sur les Hyksos, etc. Mais ces mémoires, ils sont toujours transmis aussi par des textes très récents. Manéthon, Akhenaton, on le connaît grâce à Manéthon, en partie. Les Hyksos aussi. Et donc, c'est des textes du 4e, 3e siècle avant notre ère. Donc là, vous voyez, quand on dit que c'est très, très ancien, oui, si on suit les chronologies proposées par Manéthon et les autres, si on a les textes, ce n'est pas si ancien que cela. Donc ça, c'est toujours un peu notre problème. Mais maintenant, venons à un texte qui n'est certainement pas ancien, mais qui va nous changer totalement. Donc jusqu'à maintenant, et là c'est vraiment un texte, comme nous allons le voir, qui est écrit pour préparer, introduire l'histoire de la naissance de Moïse. Jusqu'à maintenant, on était dans cette confrontation pharaon, le peuple. Pharaon, les Égyptiens, le peuple. Donc tout est un peu anonyme. Et tout d'un coup, ça change totalement, ça devient presque une sorte de farce burlesque. Le pharaon, le grand roi d'Égypte, adresse directement la parole à deux sages-femmes qui, en plus, sont considérées comme impures parce que ce n'est pas des personnes fréquentables en Égypte. Donc, les sages-femmes, comme ils ont affaire avec la naissance, donc les naissances sont représentées en Égypte seulement quand il s'agit des naissances divines ou royales, mais pas des naissances normales, considérées comme impur, parce qu'il y a du sang, il y a bon, toutes sortes de choses. Et donc ce pharaon parle avec eux en leur disant « Vous allez en effet faire tuer, on a déjà traduit les textes, vous allez tuer tous les nouveau-nés des Hébreux masculins. » Et vous vous souvenez, les sages-femmes ne font pas. Hein, ils s'opposent au pharaon. Donc un texte qui est assez bien construit, donc l'ordre du pharaon, vous le ferez mourir si c'est un garçon, si c'est une fille, elle vivra. Et à la fin, ça recommence avec ce nouveau ordre. Maintenant, tout fils qui est né dans le Nil, vous le jetterez. Au milieu, c'est justement la vie qui est rendue possible grâce aux sages-femmes, n'est-ce pas ? Le pharaon leur dit « Mais pourquoi avez-vous laissé vivre ces Hébreux ?» Et la réponse des sages-femmes, ce sont des bêtes, chayot. Mais chaya, c'est aussi la vie. Donc, par leur réponse même, ils soulignent que voilà, c'est la vie qu'il faut en effet protéger et encadrer ce centre par l'idée de la crainte de Dieu. C'est pour la première fois dans l'Exode qu'on va parler de Dieu. C'est la crainte de Dieu des sages-femmes qui, en fait, motive donc leur... leurs actions. Si on regarde encore une fois le verset 15 et le verset 22, vous voyez qu'il y a une différence. Maintenant, on ne parle plus de nouveau-né, on parle de fils de Ben. Et puis, en hébreu, ce discours est introduit par le signal du discours, les morts, alors qu'on ne l'a pas au verset 15. Donc, ce qui, en effet, nous montre que le verset 22, à l'origine, ne faisait pas partie, ou disons, c'est le noyau, si vous voulez, à partir duquel on a construit l'histoire des sages-femmes. Donc, le verset 22 était d'abord lié, en fait, à l'histoire suivante, à celle de la naissance de Moïse, puisque Moïse, justement, va être mis dans le fleuve, hein, comme le dit le pharaon, mais de nouveau de manière ironique. Dans ce texte, vous avez un doublon entre le verset 20 et le verset 21, puisque deux fois, on raconte que Dieu intervient pour les sages-femmes, mais au verset 20, en fait, il n'intervient pas vraiment tellement pour les sages-femmes, parce qu'on dit que le peuple se multiplia et devient fort. Par contre, le verset 21 dit, parce que les sages-femmes avaient craint le Dieu, avec l'article, il leur fit des maisons. Donc, probablement, le verset 20 est un ajout qui explique ce que ça veut dire faire des maisons, et surtout qui, en fait, retire un tout petit peu le bénéfice des sages-femmes pour le mettre sur le peuple hébreu. Donc là, c'est une sorte de relecture qui, d'ailleurs, aussi, ils deviennent forts, reprend le verset 1-7, si vous vous souvenez bien, c'est un verset sacerdotal. Donc, nous pouvons dire que nous avons là un ajout. Donc, l'histoire primitive ne connaissait pas encore le verset 20. Donc, d'abord, nous avons eu, si vous reconstituez, si ça vous intéresse, si on reconstitue la formation de l'histoire, donc au début, on avait l'ordre du pharaon. Il faut tuer, donc d'abord, il faut rendre corvéables les Hébreux, et ça ne marche pas au verset 12. Donc, au verset 22, directement, on va dire, donc tant pis, vous jetez tous les nouveau-nés dans le Nil. Et c'est comme ça qu'on commence l'histoire de Moïse. Et après, on a intégré l'histoire des sages-femmes, rajouter les textes P dont nous avons déjà parlé, et tout à la fin, ajouter le verset, non pas 21, mais le verset 20, pardon. Donc ça, c'est une erreur que je vais corriger tout à l'heure. Alors, maintenant, une question très importante, quelle est la nationalité, entre guillemets, des sages-femmes? Est-ce que c'est des Hébreux ou est-ce que c'est des Égyptiennes? Égyptiennes? Hébreux? Ah, je ne sais pas si on peut faire une vote, c'est peut-être trop difficile. Mais si, on va faire. Qui est pour Égyptienne? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hébreux? Voilà, vous hésitez, vous avez raison. On peut hésiter. Pour le texte massorétique, les accoucheuses sont des femmes hébraïques. Parce que le texte est vocalisé comme une apposition, les sages-femmes, virgule, les hébraïques. Tandis que la Septante laisse la question ouverte. Elle dit simplement, par un génitif, n'est-ce pas, les accoucheuses, les sages-femmes des Hébreux, qui doivent s'occuper des Hébreux. Donc on ne sait pas, est-ce qu'ils sont hébreux ou pas. Maintenant, on peut se poser une question. Donc la tradition juive, évidemment, en majorité, mais pas entièrement, la tradition juive a fait des sages-femmes des femmes hébraïques, bien sûr. Mais dans la logique de l'histoire, est-ce que ça marche si bien? Déjà, Flavius nous le dit, Flavius Joseph. Le roi prescrit que tout nouveau-né mâle des Israélites soit jeté dans le fleuve et que les femmes des Hébreux en travail soient observées et leur accouchement surveillé par des sages-femmes égyptiennes, dit-il. Selon cet ordre, cet office devrait être rempli par des femmes qui, étant ses compatriotes, ne transgresseraient pas la volonté du roi. C'est vrai. Si c'était les Hébreux, est-ce que ça aurait été logique? Et en plus aussi, la réponse que donnent les sages-femmes au pharaon, ben ça marche seulement quand c'est des Égyptiennes, n'est-ce pas? On dit, mais c'est comme des bêtes, ils ne sont pas comme nous. Avant qu'on arrive, ils ont déjà accouché. Donc, je pense que dans la narration originelle, les sages-femmes étaient des Égyptiennes. Alors vous pouvez me dire, mais les noms qu'ils portent, parce que c'est intéressant, c'est les seuls dans toute cette histoire du chapitre 1 qui portent des noms. Deux noms. Shifra, alors dans la Bible on n'a pas ce nom, on le trouve une fois dans un document égyptien, donc de nouveau tout le monde s'est extasié, on le trouve dans un document, un papyrus qui énumère des domestiques asiatiques d'un haut fonctionnaire à Thèbes, hein, dans un papyrus donc, numéroté, donc papyrus Brooklyn, et vous avez le numéro, où il y a parmi les 40 noms d'origine sémite aussi une Shifra. Alors on a de nouveau dit, oui, ça prouve l'exactitude historique de l'Exode, mais on ne peut pas avoir tous les siècles en même temps, parce que là on est au 19e, hein, donc avec Ramsès II on est au 13e, donc il faut savoir. Par contre, évidemment, c'est un nom sémitique qui probablement veut dire beauté. Poua, de nouveau, c'est un hapax dans la Bible. En ougaritique, ça peut signifier la jeune fille. Et donc, du coup, on peut se poser la question si c'est des noms un peu symboliques. Shifra, beauté et jeune fille. Si vous pensez à la suite de l'histoire de Moïse, quand il naît, on va dire qu'il est beau. Et puis on va dire aussi, non, on ne va pas dire, mais on va raconter, il y a beaucoup de filles qui se promènent là. Mais surtout, ce qui me semble, on peut montrer que ces noms ont été ajoutés après coup. Parce que, première remarque qu'on peut faire, le roi d'Égypte dit aux sages-femmes, mais il ne dit rien. Le verset 16 reprend, il dit. Vous voyez, il y a un problème là. Parce que si vous avez Vayomer en hébreu, vous attendez deux points et le discours. Mais là, il reprend deux fois. Le roi d'Égypte dit, après on donne le nom, et il dit. Et ça, c'est classiquement ce que les biblistes allemands qui savent inventer des noms appellent la Wiederaufnahme. Alors, je ne sais pas, Wiederaufnahme, une reprise à nouveau. C'est ce que font les rédacteurs, en effet, quand ils ajoutent quelque chose, c'est comme une sorte de colle, n'est-ce pas? Ils ont ajouté les noms, et après, pour reprendre l'histoire, ils ont répété le verbe « vayomer ». Donc, en fait, le texte ancien, c'était « Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des femmes hébraïques, lorsque vous accouchez les femmes des Hébreux, vous regardez le sexe. » Et ça, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est même plus logique dans l'histoire, parce que personne ne porte de nom dans l'histoire, ni Pharaon, ni les sages-femmes. Donc, ils étaient désanonymisés après coup. Hein, après coup, pour suggérer sans doute une identité hébraïque des sages-femmes, comme on va le voir aussi avec l'ajout de la sœur de Moïse en Exode 2. Donc il y a une sorte de retouche un peu nationaliste de cette histoire, mais qui, à l'origine, assez clairement, en fait, concernait des sages-femmes égyptienne. Et dans ce sens-là, c'est très important ce qui va suivre. Parce que la motivation pour ces sages-femmes d'agir comme elles agissent, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Vous savez, plus tard, si vous lisez le Nouveau Testament ou d'autres textes de cette époque-là, il y a des craignants de Dieu. C'est quoi des craignants de Dieu? Ce sont des païens, entre guillemets, des non-juifs qui vénèrent néanmoins ou qui s'intéressent au Dieu d'Israël. Et donc, les sages-femmes, c'est des prototypes des païens qui se soumettent au vrai Dieu. Donc on a là une sorte... Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a aussi tradition juive, parce qu'après, il y a la tradition juive des justes parmi les peuples, hein, qui défend le peuple juif. Et il y a aussi une tradition juive qui dit, mais les sages-femmes, c'est les premiers, les premières des justes parmi les peuples. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Alors, donc, le thème de la crainte de Dieu, ça vient de la sagesse, donc des livres sapientiels. Ce n'est pas l'éloïste. Enfin, on dit il y a la source éloïste qui parle de la crainte de Dieu. Mais comme il n'y a pas d'éloïste, donc c'est quelqu'un qu'on a inventé, qu'il faut enterrer définitivement. Donc, il n'y a pas d'éloïste. Par contre, il y a ce thème de la crainte de Dieu ou de Yahvé, qui d'ailleurs ici est la première mention de Dieu dans l'Exode. Et puis ce qui est intéressant, c'est Ha Elohim, avec l'article. Quand vous avez Ha Elohim, c'est toujours un Dieu qu'on ne connaît pas très bien, c'est un Dieu mystérieux. Kohelet, l'Ecclésiaste, va souvent parler de Ha Elohim. Et quand vous regardez vos traductions, malheureusement, on ne fait pas la différence entre Ha Elohim et Elohim. C'est difficile peut-être de faire en français parce qu'il faudrait dire le Dieu, ce qui est évidemment un peu compliqué. Mais si vous prenez par exemple dans le livre des Proverbes cette idée que vous avez au chapitre 14, la crainte de Yahvé est source de vie, elle détourne des pièges de la mort. Qu'est-ce que vous avez ? On a l'impression que c'est une sorte d'élaboration narrative de ce proverbe-là. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les sages-femmes, avec la crainte de Dieu ? Ils laissent ou ils donnent la vie au nouveau-né hébreu et ils détournent les pièges de la mort du pharaon. Donc, on pourrait presque dire que ce texte est une sorte de midrash ou de targum de ce texte des proverbes. Et il y a plusieurs autres textes dans la Bible où, justement, on veut montrer que les autres, les nations, les étrangers, ils sont meilleurs que leur réputation. Pensez à l'histoire où Abimélec accueille Abraham et Abraham présente sa femme comme sa sœur. Et quand on lui demande « Mais pourquoi as-tu fait ça ?» au chapitre 20, il dit « Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu en ce lieu-là. » Mais justement, le comportement d'Abimélec prouve le contraire. Et Abimélec aussi, donc, au lieu de tuer, va laisser la vie à Abraham, à sa femme, etc. Ou encore, dans le livre de Jonas, les marins païens sont beaucoup plus craignants Dieu que Jonas qui pense qu'il peut s'enfuir de ce Dieu du ciel et de la terre. Et, on va dire, les marins, ils craignirent. Eux, ils avaient la crainte. Et ils ne veulent justement pas s'en prendre à Jonas. Donc ces textes-là, probablement, viennent, c'est des textes tous de la fin du 4e ou 3e siècle de notre ère. C'est des textes qui viennent du milieu de la diaspora, et qui veulent justement montrer, insister sur le fait que la crainte de Dieu existe aussi chez les autres peuples. Et donc là, vous avez en effet une sorte de relecture peut-être d'une interprétation trop nationaliste de l'Exode, n'est-ce pas ? Parce que quand vous avez des récits de fondation, c'est toujours pour dire nous sommes les meilleurs, n'est-ce pas ? Notre Dieu nous a fait sortir d'Égypte, notre Dieu nous a donné le pays dans les livres de conquête de Jonas et de Josué, pardon. Et qu'est-ce que vous avez dans les deux cas ? Il y a toujours des femmes, mais des femmes de l'autre peuple qui interviennent et qui ne rendent les choses possibles. Si les sages-femmes n'étaient pas là, voilà, les nouveau-nés ont été massacrés. Et puis, dans le livre de Josué, vous avez quelque chose de comparable, puisque là, vous avez la prostituée Rahab qui accueille les espions envoyés par Josué. Donc, il y a une sorte de relecture via les femmes des histoires de fondation qui ont toujours... jusqu'à aujourd'hui, des histoires de fondation, on peut toujours les prendre de manière trop triomphaliste, trop nationaliste. Et là, il y a une sorte de relecture en montrant que c'est en effet les sages-femmes égyptiennes qui ont en effet rendu possible la vie. Donc, il y a évidemment une sorte de vraie sagesse puisque c'est par la ruse qu'ils sauvent la vie des nouveau-nés, mais aussi leur propre nez. aussi leur propre vie, n'est-ce pas ? Parce que le pharaon peut comprendre ces deux bêtes comme s'ils étaient du côté du pharaon. Et celui qui est vraiment bête dans l'histoire, c'est le pharaon qui ne comprend vraiment pas grand-chose. Hein ? Et puis quand ils disent en effet qu'avant qu'on arrive, ils ont déjà accouché, il y a aussi presque quelque chose d'eschatologique, parce qu'évidemment, dans l'Antiquité, l'accouchement, c'est quelque chose pour les femmes très difficile, dangereux, même mortel. Pensez à ce qui est dit à Ève au chapitre 3 de la Genèse, n'est-ce pas ? Donc, donner vie est quelque chose où on peut perdre sa propre vie. Et là, on dit, mais ils accouchent tellement vite. Comme le dit ce texte prophétique, avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Mais ça, c'est eschatologique. En Ésaïe 66, c'est voilà, quand arrivera vraiment le temps du salut que ça se fera. Hein ? Par contre, voilà, ils annoncent déjà quelque chose de quasi eschatologique et voilà, ils sont récompensés par des maisons. Normalement, c'est des hommes qui sont à l'origine des maisons. Hein ? Ici, c'est des femmes. Et surtout, comme je vous ai dit, en Égypte, les sages-femmes furent apparemment quand même considérés comme étant des impurs. Donc, est-ce que, bon, là, il faudrait que je me renseigne encore, je n'ai rien trouvé encore du statut des sages-femmes vraiment très clair en Égypte. Qu'est-ce qu'ils savent, les égyptologues ? Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'ils pouvaient se marier ou non ? Quel était leur statut ? Mais ces sages-femmes, en fait, ici, deviennent fondatrices des maisons. Il y a un seul texte dans la Bible qui dit ça pour des femmes, c'est dans le livre de Ruth, qui est justement une histoire de femmes. Et on voit quand même que dans les textes du 5e, 4e siècle, les femmes sortent un peu de l'ombre. Les femmes deviennent importantes. Esther, Ruth, hein, et dans le livre de Ruth, on va trouver que Yahvé rend la femme qui entre dans ta maison comme Rachel, donc, et comme Léa, qui ont bâti, elles deux, la maison d'Israël. Normalement, c'est Jacob, c'est jamais Rachel et Léa. Mais là, justement, on va retourner les choses un peu comme on le fait ici pour les sages-femmes d'Égypte. Par contre, le pharaon est totalement hors de lui. Il ne sait plus se contrôler puisqu'il dit « jette tous les enfants dans le Nil ». Il ne précise pas les enfants des Hébreux. Et du coup, il devient un peu prophète contre son propre gré puisque là, il fait déjà, d'une certaine manière, allusion à la noyade de l'armée égyptienne dans le Nil ou à la mort des nouveau-nés égyptiens, puisque ça va être la dernière des plaies dont nous allons parler. Donc, c'est, comme je vous ai dit, l'introduction à l'histoire de la naissance de Moïse dont je vais vous parler. Et on va voir aussi l'importance des femmes. Ça va encore s'accroître dans le chapitre suivant. Et le lien, en fait, entre les deux chapitres a été très bien vu aussi par la suite. La Septante est allée encore plus loin. La Septante a donné à Shifra le même nom que la future femme de Moïse, qui, elle, est aussi une étrangère, Tsipora en hébreu. Et dans la Septante, les deux s'appellent Séphora. Donc, ils sont identiques. Et une sorte de jeu d'identité se trouve aussi dans la synagogue de Doura Europos. Ça, c'est quand même, il faut que je vous montre ça. C'est tellement magnifique. Vous connaissez peut-être ce lieu. Donc, synagogue en Syrie actuelle, qui est un des rares synagogues où il y a des images, plein d'images, images des scènes bibliques. Donc, où on trouve les plus importants, mais au haut, là, vous avez par exemple la Moïse qui fait traverser la mer. Mais ce que je veux juste vous montrer maintenant, c'est la scène, en fait, des sages-femmes et de la naissance de Moïse. Donc, vous avez quatre scènes. Vous avez ici le pharaon avec deux conseillers habillés à l'iranienne, hein, parce que c'est de cette époque-là, Parthe. Et puis, vous avez là, déjà, une sorte de mise ensemble. Là, il y a les deux sages-femmes. Il y a la mère de Moïse qui met le petit dans le fleuve. Et puis là, la fille du pharaon, contrairement au texte biblique, c'est la fille elle-même qui le cherche. Et plus, elle est nue. Elle est nue dans un synagogue, imaginez-vous. Donc, rappelons sans doute une déesse Anaïta. Mais ce qui est plus intéressant, donc là, vous avez... les servantes de la fille du pharaon, et puis là, donc la mère et la sœur de Moïse. Et quand vous regardez en fait les deux sages-femmes ici, et la sœur et la mère de Moïse, qu'est-ce que vous remarquez? Ils sont identiques, au moins ils portent les mêmes vêtements. Ils portent le même vêtement. Donc en fait, on a identifié les deux sages-femmes à la sœur et à la mère de Moïse pour montrer le lien très fort qui existe en fait entre ces deux récits. Et comme je vous ai dit, c'est en effet l'introduction à la naissance de Moïse qui, elle, est une légende importée qui reprend. Alors, la légende, on va le voir. Donc, mais d'abord, on va regarder le texte qui reprend beaucoup de choses, mais qui surtout montre l'importance des femmes. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une certaine fille de Lévi. C'est très curieux, parce que littéralement, c'est la fille de Lévi, ce qui indique au moins les textes massorétiques, c'est la fille de Lévi, donc d'un des 12 fils de Jacob. Et puis, il n'y a pas de nom non plus. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Alors plus tard, évidemment, on va leur donner des noms au chapitre 6. La femme, et c'est un verset très bizarre, j'y reviendrai. La femme devint enceinte. Elle enfanta un fils et le vit, il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Et lorsqu'elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui une caisse de papyrus. Elle l'enduisait de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, puis la mit dans les gens près du bord du Nil. Et la caisse, c'est un mot qui vient de l'égyptien, et c'est seulement encore utilisé dans la Bible pour parler de l'arche de Noé. Donc, l'arche de Moïse et l'arche de Noé. Sa sœur se plaça au loin pour savoir ce que lui serait fait. La fille du pharaon descendit pour se laver dans le Nil. Peut-être le Nil était plus propre à l'époque. Et ses suivantes marchaient le long du Nil. Alors elle vit la caisse au milieu des gens et elle envoie sa servante. Elle la saisit et dans le manuscrit de Leningrad qui sert de base à l'édition critique de la Bible, il n'y a pas d'accent final, il n'y a pas de point, si vous voulez. Donc ça continue. Et l'ouvrit, elle le, donc ce suffixe manque, mais ce n'est pas très important, elle le regarda, lui et l'enfant, et voici, c'était un garçon qui pleurait. Elle. Alors, on ne sait pas qui c'est elle. Probablement la fille quand même du pharaon. Elle eut pitié de lui et dit, celui-ci est un des enfants des Hébreux. Sa sœur dit à la fille du pharaon, « Est-ce que j'irai et je t'appellerai une nourrice parmi les femmes hébraïques pour qu'elle allaite pour toi l'enfant ?» La fille du pharaon lui dit, « Va !» La jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, « Amène cet enfant, littéralement, fais-le marcher. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Apprends-lui à marcher ou simplement prends-le avec toi. La septante traduit, « Surveille-moi cet enfant. » C'est une expression qu'on trouve après dans des contrats grecs de nourrice à l'époque romaine. La femme prit, pardon, c'est moi qui te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit et elle l'amena à la fille du pharaon et il devint pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle dit, des eaux, je l'ai tiré. Vous connaissez toute cette histoire. Il y a beaucoup de choses. La première chose, donc, je reviens là-dessus parce que c'est important, l'importance des femmes. Si vous regardez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, vous avez eu vraiment une sorte d'opposition entre les hommes et les femmes. D'abord, le roi d'Égypte dit il faut agir sagement et opprimer le peuple. Les Égyptiens obéissent. Il opprime le peuple. Et donc, les Hébreux se multiplient. Maintenant, deuxième scène, le roi d'Égypte parle aux sages-femmes, à des femmes. Il dit, il faut tuer les enfants mâles. Mais il y a la désobéissance, la ruse. Elles ne le firent pas. Résultat, Dieu donne une descendance aux sages-femmes et le peuple se multiplie. Et finalement, ici, Pharaon parle à tout son peuple, jeter les fils dans le Nil, mais on n'a pas la réaction de tout le peuple, on ne sait pas ce que fait tout le peuple. Par contre, on va parler des femmes qui, de nouveau, désobéissent, mais de nouveau un peu par la ruse, parce que qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle met bien l'enfant dans le Nil, mais elle ne le jette pas. Et surtout la fille du Pharaon qui adopte cet enfant comme son fils, donc qui devient Moïse, tiré des eaux, et qui est transféré à la cour égyptienne. Donc voyez comment, en fait, si vous faites une lecture féministe, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais voyez quand même comment ici il y a une sorte d'opposition entre le comportement du Pharaon et des Égyptiens d'un côté et le comportement des femmes, qu'elles soient hébreues ou égyptiennes. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier qui est une sorte quand même de manifeste un peu féministe. Maintenant, si vous regardez la structure de ce texte, voyez aussi qu'il n'y a pas vraiment une structure chiastique, parce qu'autrement, l'enfant est séparé de la mère. Au début, l'enfant est chez la mère. L'enfant est mis dans l'eau. Et puis, encadré par l'intervention de la sœur, il y a la pitié de la fille du Pharaon qui se trouve au centre, mais qui fait que l'enfant revient encore une fois à la mère, mais non pas comme une sorte de fin en soi et définitive. Au contraire, l'enfant va rester chez la fille du Pharaon. Et c'est là où, définitivement, il est tiré de l'eau, comme dit le texte hébreu. Hein ? Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment une structure en chiasme. Parce que, évidemment, l'importance du texte, c'est quoi ? C'est le transfert de Moïse des Hébreux vers les Égyptiens. Moïse devient un Égyptien, au moins, de manière adoptée. Je vais revenir sur cette question. Mais on voit aussi que ce retour de l'enfant vers la mère gêne, d'une certaine manière, un peu la structure. Et d'ailleurs, si on vient maintenant à des questions de diachronie, c'est vrai que, d'abord, on peut se poser la question, d'où vient la sœur ? D'où est-ce qu'elle vient, cette sœur ? Parce que l'histoire commence, il y a une femme qui devient enceinte, déjà de manière pas très claire, et après, elle a un premier-né qui est Moïse. Et cette sœur, pas très claire. En plus, si vous suivez le texte actuel, l'enfant est rendu, grâce à la sœur, à la mère, qui l'allait, et ça dure à peu près 3 ans, et c'est seulement après qu'il reçoit un nom. Donc l'enfant n'a pas de nom pendant 3 ans. C'est quand même aussi bizarre. Et donc tout cela se résout. En plus, il y a encore une autre contradiction, parce qu'au verset 10, on dit « l'enfant grandit » et donc est ramené. Au verset 11, qui est l'histoire suivante, il grandit encore une fois. Il grandit beaucoup, c'est possible, mais là, il y a aussi un peu une contradiction. Donc, la solution la plus élégante et la plus simple, c'est de dire que la fille et le retour vers la mère, c'est un ajout. C'est un ajout à l'histoire primitive. Et vous pouvez très bien lire l'histoire, je vous laisse lire. Lisez cette histoire comme ça, il n'y a pas besoin ni de sœur, ni de retour à la mère. C'est-à-dire, le fils est mis dans les gens, la fille du Pharaon le prend, et elle eut pitié de lui, et il devient pour elle un fils, elle l'adopte, et elle lui donne le nom, au moins elle reçoit un nom tout de suite, il lui donne le nom de Moïse, et c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ça l'histoire ancienne. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté la sœur et la mère, parce que dans le texte ancien, toute l'initiative, en fait, vient de la fille du Pharaon. Et puis, on peut avoir l'impression que la mère a un peu abandonné son fils, quand même. Donc on va dire non, elle n'a pas vraiment abandonné. Et puis il revient en fait, il revient chez les Juifs parce qu'il est quand même allaité par sa propre mère. Il n'est pas allaité par une nourrice égyptienne, au contraire, non, non. Donc, de nouveau, comme avec le nom des sages-femmes, il y a une sorte de relecture, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, plus national, où on veut montrer quand même que Moïse est autant hébreu qu'égyptien, hein, et qu'il ne faut pas se tromper. Mais en même temps, il n'y a pas non plus une sorte d'opposition, parce que la relation entre la sœur de Moïse et la mère et les femmes, disons la fille du pharaon et ses servantes, est très très pacifique. Ils discutent d'égal à égal, sans problème. Hein. Mais vous avez vu que ça introduit un peu des complications logiques dans l'histoire. Donc l'histoire ancienne, c'est Moïse mis dans l'eau, repêché par la fille du pharaon. Et adopté comme Moïse, prince égyptien. Et évidemment, derrière cette histoire, vous avez un thème que vous connaissez tous. C'est le thème de l'exposition des enfants. C'est un thème folklorique très, très, très courant. Les enfants sont abandonnés et miraculeusement sauvés, souvent en carrière magnifique. Pour toute cette raison, pour la famille ou pour une sorte de vœu irréfléchi, toutes sortes de choses. Pensez à Romulus et Rémus, à Héraclès, à beaucoup de choses. Donc là, vous avez Romulus et Rémus, mais dans une présentation un peu chrétienne. Et donc, c'est certainement ce motif-là qui se trouve derrière Exode 2. Et c'est pour cela que je vous ai dit, c'est une histoire importée. Elle est importée d'où ? Elle peut être importée de beaucoup d'endroits, mais moi je vous donne d'abord ce que je préfère et après il y a deux autres possibilités. Je pense qu'elle est importée d'Assyrie. Vous connaissez la légende de Sargon ? Si vous ne la connaissez pas, voilà. Sargon, donc c'est écrit à la première personne, Sargon, le roi puissant, le roi d'Akkad, je le suis. Ma mère était une prêtresse. Mon père, je ne le connaissais pas. Ma mère, la prêtresse, me conçut en secret. Elle m'enfanta. Elle me mit dans une corbeille de roseaux avec de l'asphalte. Elle ferma le couvercle. Elle me poussa dans la rivière qui ne m'engloutit pas. Le fleuve me porta, m'emmena vers Aki, le puiseur d'eau. Aki, le puiseur d'eau, me sortit comme il trompait son vase. Aki, le puiseur d'eau, me prit comme son fils et m'éleva. Il me plaça comme son jardinier. Durant mon jardinage, Ishtar m'aima. Et pendant, alors on ne sait pas combien d'années, 54, peut-être 55, j'étais roi, j'ai gouverné et dominé les têtes noires, donc le peuple. Alors, c'est quand même assez proche de notre histoire, vous ne trouvez pas ? C'est la légende de Sargon qui prétend se référer au Sargon d'Agade, figure plus mythique que historique, qui aurait vécu vers 2300 avant notre ère, mais qui, du fait, date en fait de Sargon II. Sargon II, comme Sargon Ier, ils ont des problèmes de légitimité. Ils ont considéré comme des usurpateurs, donc pas de la lignée royale, et ils doivent justifier pourquoi ils sont rois. D'ailleurs, le nom de Sargon, Charoukin, veut dire le roi est fidèle ou le roi légitime. Donc, probablement, c'est Sargon II qui a fait fabriquer ce texte, puisque toutes les tablettes que nous avons datent de cette époque-là. Elles ont été trouvées dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Ils datent du 8e siècle, au 7e siècle, donc l'époque de Sargon. Donc, c'est assez... Surtout quand vous enlevez la sœur et la mère, c'est encore plus proche, les deux textes. Donc il y a des parallèles très clairs. La mère agit seule, le père est absent. La mère est une prêtresse, fille de Lévi ou prêtresse en tout. Le nouveau-né est mis dans une caisse étanche, il est adopté et il a un destin exceptionnel. Il y a aussi quelques quelques différences. La mère de Sargon, donc, apparemment, elle fait partie d'une caste de prêtresses qui ne doit pas avoir des enfants, donc apparemment, elle veut se débarrasser de l'enfant. Tandis que la mère de Moïse veut le sauver. Sargon est abandonné au fleuve pour que le fleuve l'emporte, alors que Moïse est mis entre les roseaux pour qu'il ne bouge pas trop. Mais évidemment, c'est des différences qui sont voulues aussi d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut qu'il soit trouvé, Moïse, alors que Sargon va dire qu'il est heureusement trouvé et devient ensuite aimé par Ishtar. Donc je pense quand même que c'est très très proche. C'est difficile de ne pas avoir des relations. Par contre, il y a quand même des gens qui pensent qu'il y a d'autres textes, si vous me laissez encore 5 minutes, je vais juste vous les présenter, il y a d'autres textes qui peuvent être considérés. Notamment l'exposition de Cyrus. Alors là, je vois des gens qui sont contents. Alors, Cyrus, selon Hérodote, est le petit-fils du roi des Perses qui avait donné sa fille en mariage à son vassal perse, Cambyse. Et puis, il a un rêve, comme dans Hérode, dans la Bible, qui est probablement calqué là-dessus, il a un rêve que ce fils va lui, en fait, enlever la royauté. Et donc, il veut s'en débarrasser donc, de ce fils. Il a un plan de débarrasser de cet enfant. Donc, lisez ça chez Hérodote. Donc, d'abord, il va, en effet, demander un de ses proches, Arpage, pour lui dire « il faut me débarrasser de cet enfant, fais-le mourir. » Mais Arpage dit « non, mais je ne fais pas ça. » Après, elle dit quand même, pour ma sûreté, c'est mieux quand même que l'enfant périsse, mais pas par mes mains, hein. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc il va trouver à Bouvier, du nom du Mithridate, qui, en effet, ne peut pas faire autre chose qu'emporter l'enfant pour l'exposer sur la montagne la plus déserte afin qu'il périsse promptement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Mithridate, il prend l'enfant et l'amène à sa femme, sa femme qui vient justement d'accoucher, mais d'un enfant mort-né. Alors, et puis l'enfant regarde, la mère regarde, disons, sa femme regarde l'enfant, charmée de sa grandeur et de sa beauté. Elle dit, voilà, j'ai accouché un enfant mort, va porter sur la montagne l'enfant au nord, et nourrissons celui que de la fille d'Astyage, comme s'il était à nous, à l'égard du jeune prince, Spaco, c'est la femme, en prit soin et l'éleva. Il fut dans la suite connu sous le nom de Cyrus, mais Spaco lui donna quelque autre nom. Voilà, donc un égyptologue allemand, Krauss, a dit c'est ça le modèle de la légende de Moïse, qui du coup ne peut pas être antérieur au VIe siècle, donc vers 500. Mais le problème, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup de parallèles. Il y a juste la beauté de l'enfant, mais qui est un thème quand même royal, comme on va le voir, et peut-être un peu l'histoire du nom, mais même si vous aimez bien cette histoire, vous devez quand même reconnaître que Sargon est plus proche. Non ? Alors, il y a aussi ceux qui cherchent tout en Égypte. Le salut vient d'Égypte. Alors là, il y a un mythe égyptien à l'origine d'Exode 2, et après on arrête. Donc, il y a des traditions sur l'enfance de Horus qui doit être cachée pour échapper à son frère Seth. Vous connaissez le mythe d'Osiris, mais avec le problème que le mythe explicite n'est attesté qu'à l'époque chrétienne, chez Plutarque. Par contre, on a des allusions dans les textes plus anciens qui montre qu'on connaît quelque chose, mais on ne sait pas trop. Ce qu'on a de manière plus précise, c'est un papyrus qui vient, mais de nouveau de l'époque ptoléméenne, où on donne plusieurs versions. Autre version, Seth était allé pour rechercher Horus, encore enfant, alors que sa mère l'avait caché à l'intérieur d'un fourré de papyrus. Autre version, il naviguait dans une barque de papyrus et Isis Thiatot « Fais-moi voir mon fils qui est caché dans les marais. » Donc, on a quelques parallèles. Le petit Horus est caché parmi le papyrus, mais c'est à peu près tout. Il y a la question du double nom, parce qu'apparemment, il est identifié ou mis très fortement en relation avec Anubis, hein, ce qui arrive apparemment à l'époque tardive, donc on veut identifier ces dieux. Mais il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas non plus de transfert de l'enfant d'un endroit à l'autre. Au moins, chez Cyrus, on a encore ça. Mais là, disons, en Égypte, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour terminer, disons que c'est la légende de Sargon qui a servi de modèle. Ça, je pense, assez clair. Donc, ça nous permet de nouveau de revenir à notre date du 7e siècle pour la première histoire de Moïse. Et on observe une mise en parallèle entre Sargon et Moïse. Pour dire, en fait, notre Moïse, il est aussi important que Sargon. Il a un destin royal. Moïse va être construit comme un roi. Et il y a dans les deux cas une sorte de double filiation, c'est-à-dire comme Sargon est finalement, en fin de compte, adopté par Ishtar, d'abord par Aki, et puis par Ishtar, Moïse va être adopté par la fille du pharaon. Voilà, donc je ferai encore quelques commentaires la semaine prochaine sur la naissance un peu bizarre de Moïse et surtout sur son nom. Et qui se cache derrière ce nom, quelques Moïse historiques, je vous donne une petite panoplie. Et après, on regardera ce que fait Moïse chez les Madianites. C'est aussi très bizarre. Pourquoi va-t-il chez les Madianites? Voilà, bon après-midi. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.